décor. P2OP est encore là. Ok. Alors écoute ça. Dans le meilleur des cas, je ne fais que le constat de voir que le chemin se fait toujours comme un forçat. À force, laisser le temps te prendre ce qu'il te reste. On ne voit plus si le destin il fera son geste. Comme la veste qui en fera toujours son étranger. La route de ce temps qui ne fait que s'engranger. Comme un danger, mon écriture toujours s'est propagée. Malgré la vie qui prononce le nom d'un mec âgé. Je marche sur l'avenir avec les pieds coupés. Comme s'il y avait quelque chose que j'avais loupé. Chaloupé sur le flot de la mer et son embrun. La coupe de l'ignorance y a tendu son filin. Quelques grammes de ces mots. Et tout ça pour le flow, amertume d'un MC qui sera toujours au micro. On garde ce que l'on est malgré ce que le monde tourne. Oublions parfois qu'on a été là quand ça enfourne. Dans le meilleur des cas, je regarde encore le ciel. En y cherchant l'étoile qui fera cette étincelle. Celle de la réussite est toujours qui t'invite à donner de toi sans que jamais ça ne profite. Dans le meilleur des cas, je regarde encore le ciel. En y cherchant l'étoile qui fera cette étincelle. Celle de la réussite est toujours qui t'invite à donner de toi sans que jamais ça ne profite. Dans le meilleur des cas, je regarde encore le ciel. En y cherchant l'étoile qui fera cette étincelle. Celle de la réussite est toujours qui t'invite à donner de toi sans que jamais ça ne profite. Le sommeil n'est plus et je ne fais que réfléchir sur la condition sans décision qui me fera fléchir. Développement de soi, et quoi de plus normal quand le passé reste l'avenir toujours qui s'installe. Début d'une phrase, mais je ne vois plus la fin. Relancer mon cœur, mon estomac n'aura plus faim. On combat la vie, mais la vie combat elle pour toi. Quand se dit souvent qu'il y a le mot parfois, je ne vois que des philos qui utilisent des phrases écrites, s'identifiant parce que la situation l'invite. Constat apparent et je trouve plus ça marrant. Je ne fais que respirer cette vie là pourtant. Dans le meilleur des cas, je regarde encore le ciel. En y cherchant l'étoile qui fera cette étincelle. Celle de la réussite est toujours qui t'invite à donner de toi sans que jamais ça ne profite. Dans le meilleur des cas, je regarde encore le ciel. En y cherchant l'étoile qui fera cette étincelle. Celle de la réussite est toujours qui t'invite à donner de toi sans que jamais ça ne profite. Dans le meilleur des cas, difficile de faire le constat. Okay.